Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. La Socimo revoit à la hausse le prix au kilogramme de sucre qui passe de 2500 à 3300 francs burundais. Annonce faite ce jeudi après-midi dans une conférence de presse. Les aires protégées de la plaine de la Roussizie et du parc de la Kibila vont être clôturées afin de protéger la faune et la flore. Ce projet qui durera 5 ans coûtera autour de 10 millions d'euros. Dans ce journal, on vous propose également l'analyse de l'état des relations bilatérales entre la Russie et le Burundi, alors que s'est ouvert ce jeudi un sommet Russie-Afrique auquel participe le président Évariste Ndayishimiye en personne. Ce sera avec l'ancien ministre burundais des Relations extérieures, Cyprien Bonima. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Revue à la hausse des prix par kilogramme de sucre, Socimo a un prix de 3300 francs. Annonce faite par le général-major Aloïse Ndaikenguru, qui est administrateur directeur général de cette société sucrière. C'était ce jeudi après-midi. Il tranquillise les Burundais que dans les prochains jours, le sucre sera disponible en quantité suffisante. On l'écoute. La société sucrière du Mosso, Socimo, porte à la connaissance de tous les consommateurs, grossistes et détaillants du sucre, que le prix du sucre de la Socimo a changé. Le nouveau prix est structuré comme suit. 1. Prix de vente par la Socimo, toutes taxes comprises, c'est-à-dire aux entrepôts de la Socimo, 3190 francs par kilo, soit 59 500 francs par sac de 50 kg. 2. Prix de vente par les grossistes, toutes taxes comprises, 3240 francs par kilo, soit 162 000 francs par sac de 50 kg. 3. Prix de vente par le détaillant, au dernier consommateur, toutes taxes comprises, 3300 francs par kilo, soit 165 000 francs par sac de 50 kg. Ce changement de prix entre en vigueur à partir de ce 27 juillet 2023. Nous tranquillisons la population que le sucre sera disponible d'ici peu. En tout cas, dans la première quinzaine du mois d'août, le sucre sera disponible. Cela est dicté par trois raisons majeures. La première raison est que, comme vous le savez, la Socimo a déjà démarré la campagne de récolte et d'usinage du sucre à partir du 17 juillet. Donc aujourd'hui, c'est le dixième jour que nous sommes en train de produire. Nous espérons que d'ici peu, le rythme sera bon et que le sucre sera disponible, en tout cas au niveau de la population. L'administrateur directeur général de la société sucrière du Mosso, Aloïse Ndayikenguru Kiye. Pénurie de sucre, mais également pénurie de carburant. Plusieurs véhicules et motos passent 4 à 5 jours sur de longues files d'attente à la seule station-service qui est à Karoussi en attente de carburant de type essence. Leurs propriétaires disent que chaque jour, ils s'attendent à l'approvisionnement depuis la semaine passée, mais sans succès. Certains pensent que la province Karoussi reçoit une quantité insuffisante de carburant parce qu'il n'y a qu'une seule station-service fonctionnelle. Les passagers doivent payer des sommes exorbitantes comme ticket de voyage malgré la fixation de son prix par le ministère de tutelle. Blaise Pascal Caralomillé. Ces voitures et motos font de longues files d'attente à la station-service de Bouyiga, province Karoussi, la seule station qui est fonctionnelle dans toute la province. Et ces longues files s'observent depuis la fin de la semaine passée, comme le disent ses habitants. Ils indiquent que la plupart d'entre eux sont venus lundi après avoir entendu que ce carburant de type essence allait arriver d'un moment à l'autre à cette station. Les agents de cette station le confirment et expliquent qu'eux aussi étaient au courant de l'arrivée incessante du carburant, et cela depuis la fin de la semaine passée, mais en vain. Certains de ces habitants font penser que la province Karoussi recevrait une quantité insuffisante de carburant car ne disposant qu'une seule station-service fonctionnelle, et d'autres demandent de laisser ce qui peuvent aller s'approvisionner dans d'autres provinces de le faire et pouvoir les vendre à leurs collègues. Les agents de cette station signalent que seul le carburant de type mazout est arrivé l'après-midi de ce mercredi et que c'est ce même type de carburant mazout qu'ils avaient vers la fin de la semaine passée à cette station. Ce manque de carburant de type essence est à l'origine de beaucoup de lamentations des habitants de Karoussi qui désirent se déplacer et ces derniers signalent le manque de véhicules de transport de type voiture et les motos et qu'une fois qu'on les trouve, ils sont contraints de payer des frais exorbitants allant au double et voire même au triple par rapport au ticket de transport qui vient d'être fixé par le ministère ayant en charge le transport dans ses attributions. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Les aires protégées telles que la plaine de la Roussizi et les riverains du parc national de la Kibira seront bientôt clôturées pour mettre fin à des menaces face à ces ressources naturelles. Emmanuel Nyung est co-conseiller au sein du ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage. L'a déclaré ce jeudi en mairie de Bujumbura lors de l'ouverture officielle du programme Dukingiribidukikije. Il ajoute que ce projet coûtera plus de 10 millions d'euros et va durer 5 ans et se déroulera dans les provinces de Cibitoke, Bubanza et Bujumbura. Suivez-le. Ce programme que nous venons de lancer aujourd'hui consiste à la protection des aires protégées, surtout parce qu'il y a des aires protégées qui sont sous menace. Et surtout dans, au niveau des zones riveraines et de la plaine Roussizi, parc de la Roussizi et le parc de Kibira. Comme ce programme vient jouer dans ce domaine, nous espérons que les activités qui seront menées dedans pourraient être efficaces d'ici 5 ans, comme le programme va s'étendre sur 5 ans. Donc c'est un programme qui nécessite des efforts conjugués de la part des administrations et même locales en collaboration avec les partenaires. C'est un programme plus vaste parce que le volet environnement, le volet ressources naturelles, c'est un volet plus vaste qui nécessite les efforts de tout un chacun. Pour notre ministère, actuellement, se base sur 5 programmes principaux. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage en général, il y a la gestion durable des terres, il y a aussi la recherche et l'innovation, mais aussi l'administration générale. Ces 5 programmes cadrent bien avec toutes les orientations et visions du gouvernement en matière de développement. C'est-à-dire que ce programme de Kingi aujourd'hui rentre dans le 3e programme de notre ministère et ce programme cadre bien avec le PND et la vision 2040-2060. Emmanuel Nyung est co-conseiller au ministère en charge de l'Environnement. Une famille de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura dit subir de l'injustice pour avoir reçu l'interdiction d'exploiter sa propriété. Cette famille affirme avoir introduit sa plainte auprès de l'administration communale, mais que celle-ci ne l'a pas encore rétablie dans ses droits. Elle demande que cette question trouve une réponse, car jusqu'à présent, elle passe la nuit à la Belle Étoile en reportage de Jean-Marie Mayonga. La parcelle se trouve à Maranvia, 13e transversale, en commune Mutimbuzi, comme le montre dans la correspondance de la COGERCO adressée à la famille de Bgamamie. Elle précise que feu Bgamamie figurait sur la liste des cultivateurs du coton depuis 1989 sur le numéro 3B3012. Aujourd'hui, la famille de Fé Bgamamié ne sont pas autorisés d'y mener aucune activité car ils sont malmenés par certaines autorités de cette zone. Les voisins se disent étonnés de voir ce qui se passe à cette famille au moment où ils affirment que la parcelle appartenait depuis à Fé Bgamamié. Nous y avons cultivé du coton plus de 2 ans. C'est vrai, il y a eu crise, mais cela ne justifie pas que sa parcelle soit occupée par les autres, que cette fille soit rétablie dans ses droits. Ça nous étonne beaucoup d'entendre les autorités dire que la propriété est du domaine de l'État. C'est faux et archi-faux. Cette parcelle appartenait à Bois Mamié. Nous demandons aux autorités de la colline commune de tout faire pour que ce citoyen ait ses droits. La fille de Feb Gamamier demande que la justice soit faite et que sa famille soit rétablie dans leurs droits. S'il y aurait quelqu'un qui a les documents, il pourrait les présenter. Je demande d'être rétabli dans nos droits car le gouvernement n'a pas récupéré nos parcelles. Dans cet endroit où se trouve cette parcelle appelée Kugasoko, on y trouve des maisons construites par d'autres personnes et quelques activités comme le commerce, la vente des nourritures cuites y sont exercées par ceux qui ont occupé cette parcelle. Sur ce sujet, contactez le chef de zone Maramvia et nous a envoyé chez l'administrateur de la commune Mutimbuzi. Et ce dernier, nous l'avons cherché plusieurs fois, mais il n'a pas encore eu le temps de s'exprimer pour donner la lumière. Jean-Marie Mayonga. Les pays comme la Russie et la Chine sont des partenaires pouvant être bénéfiques pour le Burundi et pour l'Afrique. Cyprien Bonima, ancien ministre des Relations extérieures, le dit au moment où le chef de l'État burundais participe au sommet Afrique-Russie qui se tient ces 27 et 28 juillet avant de se rendre en Chine. Pour Cyprien Bonima, le Burundi doit se préoccuper de ses intérêts en premier lieu. On l'écoute. Ce sommet a de l'importance maintenant à cause du conflit en Ukraine, de la crise en Ukraine, qui a fait que les tensions entre les grandes puissances sont très vives. Mais ce sommet est un sommet normal, comme je vous le disais. Toutes les grandes puissances de ce monde essaient de se rapprocher de l'Afrique, d'avoir des contacts avec le continent africain. C'est un continent où tout est à faire. C'est un continent où nous devons reconstruire des chemins de fer, nous devons construire des aéroports, nous devons construire des ports, nous devons avoir des outils modernisés. Bref, en Afrique, tout est à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le continent africain, c'est un continent très riche. Il a des ressources naturelles très abondantes. Et troisième chose, le continent africain, c'est un continent où il y a une population assez nombreuse, 1,3 milliard bientôt. Et sur ce 1,3 milliard, je crois que 52% sont des jeunes de 30-40 ans. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, les populations sont plutôt vieillissantes. Donc c'est un continent qui attire pratiquement toutes les nations riches. Et c'est pour ça que la Russie fait comme les autres, invite les Africains à venir se rencontrer. Quant à un voyage qu'il effectue en Chine, c'est tout à fait normal. Nous avons de très bonnes relations avec la Chine depuis longtemps, depuis l'indépendance. Et ces relations sont dans divers domaines. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir quand j'étais aux affaires étrangères. Donc c'est un pays qu'il faut soigner. C'est un pays avec lequel nous devons garder de très bonnes relations. Je pense que nous n'avons vont pas intérêt à nous comporter en fonction des intérêts de l'Amérique ou de notre puissance. Et je pense que dans les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Je pense que le Burundi a tout intérêt à participer à cette rencontre avec la Russie, sans se poser la question qu'est-ce que les Américains vont penser. Et je pense que les Américains, quand ils prennent des décisions, ne demandent pas notre avis, ils suivent leurs intérêts. Je pense que le Burundi a aussi intérêt à suivre, à voir où est son intérêt dans son cas précis d'être avec les autres. Vous savez, l'Afrique a été divisée en plusieurs pays. Vous avez des pays d'expression anglaise, des pays d'expression française, des pays d'expression portugaise, espagnole, tout ça. L'ambition de l'Afrique, c'est d'être unie. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Organisation de l'Unité africaine, qu'on a créé l'Union africaine aujourd'hui. C'est pour qu'on se présente à ces puissances en tant que force unie. Si l'Afrique demain pouvait parler d'une seule voix, eh bien, elle serait très forte. Cyprien Bonima, c'est un ancien ministre burundais des Relations extérieures. Il sera notre invité. Donner des facilités aux enseignants pour l'accès au crédit, c'est l'un des objectifs de la création de FLE, microfinance, troisième catégorie. Victor Ndabaniwe, président du conseil de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement, l'a dit dans un point de presse ce jeudi. Il rassure que des réunions ont été tenues à travers tout le pays pour donner des éclairages sur cette microfinance. Il appelle les enseignants à adhérer nombreux à ce projet. L'adhésion et la démission aux sociétés coopératives est libre. Tous les enseignants membres de la Fondation ont le plein droit de s'affilier à la microfinance en cours de création. S'ils décident le contraire, ce n'est pas aux organisations fondatrices, c'est par la Fondation de le contraindre à adhérer à cette microfinance. C'est celui qui se retire des droits qui lui sont reconnus par la loi régissant les sociétés coopératives. Donc pour cette préoccupation, la Fondation donne sa position. L'adhésion est libre, elle est volontaire, elle est individuelle. Ceux qui ne vont pas adhérer à la FLE Microfinance, ils ont le droit de venir réclamer les épargnes déjà consenties à la FLE Fondation. il appartient au technicien de vérifier si celui-ci n'a pas d'engagement auprès de la fondation. S'il n'a pas d'engagement, il est en droit de l'entrer avec ses épargnes pour aller placer ses épargnes dans une microfinance de son choix. C'est pour cette raison qu'on a libéralisé l'adhésion et la démission. Nous voulons pérenniser le contenu des accords du 4 juillet 2002 en matière d'accès au crédit premier logement. Comme vous le savez, le statut général des fonctionnaires a une disposition qui commande au gouvernement de faciliter à ses fonctionnaires l'accès au crédit premier logement. C'est ce que le gouvernement a fait. Il est déjà dans la logique de répondre aux dispositions de la loi portant statut général des fonctionnaires en matière d'accès au crédit premier logement. Le gouvernement nous a déjà donné une épargne logement évaluée à prix de 2 milliards. C'est dans la logique de faciliter les enseignants à s'autodévelopper. En bref, plus de 35 équipes en provenance des pays occidentaux et ceux de la communauté est-africaine vont participer à la compétition internationale de padel prévue à l'entente sportive de Bujumbura dès ce vendredi jusqu'à dimanche. Claude Manirambona, président de la commission chargée de préparer cette compétition, indique que les préparatifs vont bon train et appelle les amateurs de ce sport de venir massivement assister à cette compétition car l'entrée sera gratuite. Et c'est une bien triste nouvelle dans le monde médiatique burundais. Le journaliste Cédric Bahimundu de la communauté des blogueurs Yaga n'est plus. Il s'est éteint le soir de ce mercredi à l'âge de 28 ans. Ses premiers pas en journalisme, c'était au journal Ndongozi à Gitega. Il a ensuite été à Jimbere Magazine, puis chez Yaga où il occupait le poste de community manager. Connu pour son goût de la lecture, Cédric a fait l'université du Burundi au département d'anthropologie. Après avoir fait le petit séminaire de Mugera, il a dirigé le club Génie en herbe. Que la terre lui soit légère. Place maintenant à notre invité. Et Oda Ndayishimiye reçoit Cyprien Bonima. Il nous parle des relations entre la Russie et l'Afrique et particulièrement avec le Burundi. À la source, interview. Cyprien Bonima, vous avez été ministre des Relations extérieures. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Aujourd'hui, le président de la République du Burundi est en voyage en Russie où il participe au sommet Afrique-Russie et il ira après en Chine. Quel est l'intérêt pour le pays? Je pense que chaque fois qu'un chef d'État voyage vers un autre pays, participe à une conférence, il y a toujours un intérêt. Et bien, pour revenir à ce sommet Russie-Afrique, je vous dirais que c'est un sommet normal. Il y a eu un premier sommet, il y a un deuxième sommet. Ce sommet a de l'importance maintenant à cause du conflit en Ukraine, de la crise en Ukraine, qui a fait que les tensions entre les grandes puissances sont très vives. Et c'est de se rapprocher de l'Afrique, d'avoir des contacts avec le continent africain. C'est un continent où tout est à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le continent africain, c'est un continent très riche. Il a des ressources naturelle est très abondante. Et troisième chose, le continent africain, c'est un continent où il y a une population assez nombreuse, 1,3 milliard bientôt. Et sur ce 1,3 milliard, je crois que 52% sont des jeunes de 30-40 ans. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, les populations sont plutôt vieillissantes. Donc c'est un continent qui attire pratiquement toutes les nations riches. Et c'est pour ça que la Russie fait comme les autres, invite les Africains à venir se rencontrer. Alors quand un voyage qu'il effectue en Chine, c'est tout à fait normal. Nous avons de très bonnes relations avec la Chine depuis longtemps, depuis l'indépendance. Et ces relations sont dans divers domaines. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir quand j'étais aux affaires étrangères. Donc c'est un pays qu'il faut soigner. C'est un pays avec lequel nous devons garder très bonnes relations. Ne pensez-vous pas que cela pourrait affecter les relations qu'on a avec nos partenaires de toujours, notamment les pays comme l'Amérique ou l'Union européenne? Merci beaucoup, madame. Eh bien, je pense que pendant longtemps, l'Afrique, du moins beaucoup de pays d'Afrique, face à ces conflits entre les grandes puissances, les Africains ont toujours essayé d'avoir une position de neutralité. Il y a des conflits entre les Américains et les Russes, les Américains et les Chinois. Je pense que nous n'avons pas intérêt à nous comporter en fonction des intérêts de l'Amérique ou de notre puissance. Et je pense que dans les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Sans se poser la question, qu'est-ce que les Américains vont penser? Je pense que les Américains, quand ils prennent des décisions, ne demandent pas notre avis, ils suivent leurs intérêts. Je pense que le Burundi a aussi intérêt à suivre, à voir où est son intérêt dans son caprice de travailler avec les autres. Nous n'avons pas à nous ingérer à prendre des positions pour l'une ou pour l'autre puissance. Nous remarquons des sommets France-Afrique, des sommets Amérique-Afrique, des sommets Russie-Afrique. On a l'impression que l'Afrique est prise comme un seul pays alors que c'est tout un continent. Quelle est l'analyse? Quelle est votre analyse par rapport à cela? Je pense que c'est l'intérêt de l'Afrique de se présenter comme une force. Vous savez, l'Afrique a été divisée en plusieurs pays. L'ambition de l'Afrique, c'est d'être unie. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Organisation de l'Unité africaine, qu'on a créé l'Union africaine aujourd'hui. C'est pour qu'on se présente à ces puissances en tant que force unie. Si l'Afrique demain pouvait parler d'une seule voix, eh bien, elle serait très forte. Eh bien, nous essayons, lorsqu'il y a des rencontres, notamment avec la Russie ou avec les Américains, d'avoir une voix commune africaine. C'est comme ça que nous pouvons peser dans les relations nationales d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Cyprien Mbonimpa, ancien ministre burundais des Relations extérieures. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.